franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui les chiens. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani, réalisée par Cédric Ossir. Clamart, samedi 1er mai, la nuit. Cher Pierre, tout à l'heure, il y a quelques heures, un après-midi comme les autres, j'écoute distraitement les nouvelles du jour dans ma voiture. Un flash, bref, laconique. La voix ne semble pas y croire. Il est 19h10 minutes. Nous recevons à l'instant cette dépêche. Pierre Bérégovoy a tenté de se suicider à 9h. Coup de frein brutal. Je m'arrête net, stupéfait. Canular, erreur de journaliste. La nouvelle est tellement imprécise, si invraisemblable. Es-tu mort ? On nous le dit. Décès, je suis sonné, vidé. La détonation a résonné dans mon crâne, au point que j'ai presque entendu le coup partir. Voilà ce qu'écrit Jérôme Clément, l'un des nombreux amis de Pierre Bérégovoy, dans son livre « Lettres à Pierre Bérégovoy ». Ce 1er mai 1993, c'est une France plongée dans le jour férié de la fête du travail qui apprend la mort de Pierre Bérégovoy, encore Premier ministre, quelques semaines auparavant. L'émotion collective qui envahit les Français, ses partisans comme ses adversaires politiques, est à la mesure de la dimension historique et dramatique du geste. Amis ou ennemis, partisans ou adversaires politiques, tous vont lui rendre hommage et aussi se rejeter la faute, alimentant au passage les hypothèses les plus diverses, pourvu qu'elles soient spectaculaires, théories du complot, crimes d'État, assassinats politiques, tout y passe, en vain. Car le suicide, cet acte si violent et mystérieux, si intime, dépasse notre entendement. 23 ans après, bien des questions restées sans réponse planent autour des circonstances de sa mort. Sommes-nous bien sûrs que c'est sa mémoire qu'on protège en parlant d'un geste d'honneur ? Connu pour son intégrité, engagé contre la corruption, Pierre Bérégovoy était-il devenu gênant ? Suicide officiel ou assassinat fantasmé, désespoir au crime d'État, la mort de Pierre Bérégovoy reste une énigme, un secret. Et c'est ce mystère-là, de l'intime au politique, que nous tentons aujourd'hui d'explorer dans Affaires sensibles, la fiction. Après cette fiction, nous continuerons à évoquer Pierre Bérégovoy, bien sûr, et cette fois avec Gérard Carrérou, journaliste et ami de l'ancien Premier ministre disparu. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Les chiens, de François Luciani. Franchement, ils n'ont pas mégoté sur les options au ministère. C'est une belle berline, cette Renault. Intérieur cuir, vitre teintée. Pare-brise renforcé ? Non, impossible. Le modèle blindé est réservé à l'élite. Je ne suis qu'un ex-ministre cramé, comme disent les journalistes. Alors à quoi bon cacher l'argent public pour des bricoles, n'est-ce pas ? D'ailleurs, ils n'ont pas tort. Qui pourrait bien vouloir me tirer dessus ? Personne. À part moi. Depuis un mois à peine, Pierre Bérégovoy n'est plus Premier ministre. Édouard Balladur a pris sa succession à Matignon. Charles Pasqua est ministre de l'Intérieur. Pierre Bérégovoy, ancien ministre des Finances, devenu Premier ministre en avril 1992, a quitté ses fonctions après l'échec des socialistes aux législatives de mars 1993. Il est redevenu un simple élu, maire de Nevers, cette petite ville de 30 000 habitants sur les bords de Loire. Pas de doute, ça tient la route, hein, la Renault 25. N'est-ce pas, Jean-François ? Oui, monsieur, rien à dire. Question sécurité impeccable. Je vous dépose en ville ? Je passerai d'abord chez ma sœur pour déjeuner. Ensuite, on ira saluer les cyclistes au parc Salingro. Ça, le vélo, j'adore ça. Et puis, on foncera au camping municipal pour le championnat de canoë. Ça vous va ? Bien, monsieur. Pas une minute à perdre. Samedi 1er mai 1993. Pierre Bérégovoy est arrivé la veille en gare de Nevers, accueilli par son chauffeur, Jean-François Ragounot, et son garde du corps, Sylvain Lesport. Il a un samedi bien chargé. 12h, vin d'honneur à la mairie. 13h, déjeuner chez sa sœur. 15h45, arrivée de la course cycliste au parc Roger Salengro. 17h30, remise des coupes de canoë et kayak au camping de la ville. Un agenda très local, comme un retour à la vraie vie. Rien à voir avec les fastes des salons dorés de la République, du temps où il était numéro un du gouvernement. Il ne me lâche pas d'une semelle. Pas une minute. On dit qu'il me protège de la presse et du reste, mais j'ai l'impression qu'il me surveille. Puis-je le reprocher ? Le chauffeur, mon chauffeur, rien à dire. Un garçon charmant, la discrétion même. Il est jeune, conduit bien, parle peu. Il fait équipe avec un autre, encore plus discret. Sylvain, un militaire aguerri, spécialiste de la protection rapprochée. Lui, il paraît que c'est un dur. Assis à la place du mort, il ne dit jamais rien, ou presque. Il guette le moindre de mes gestes, comme s'il avait des comptes à rendre. Mais à qui ? Ça vous dérange si on allume la radio ? Pas du tout, monsieur. Catégorie. Pour aller plus loin dans la voie du recul des conditions de vie et de travail, doivent savoir... Ça serait une belle journée, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Avec ce beau temps. Idéal pour un 1er mai. Vous trouvez pas ? Oui, sans doute. Vous n'êtes pas de repos un jour comme celui-ci ? Mais non, voyez-vous. Il faut bien qu'il y en ait qui travaillent. Vous n'irez pas manifester ? Pour tout dire, monsieur, je préfère rester discret. Avec ma femme, on fait pas de politique. La fête du travail, tout de même. Je mets juste le bulletin dans l'urne quand il faut, c'est tout, monsieur. Vous faites votre devoir, en quelque sorte. Voilà, mon devoir de citoyen. Par rapport à d'autres, c'est déjà pas si mal. Ce n'est pas contre vous, monsieur, mais des gens honnêtes, il faut bien dire qu'il n'y en a plus beaucoup de nos jours. Et avec ma femme, on en voit de belles, alors... Qu'est-ce qu'elle fait, votre femme ? Femme de service au ministère. C'est un bon poste ? On ne peut pas dire le contraire. Et elle voit quoi ? Tout. Elle ne doit pas s'ennuyer. Pas vraiment, monsieur. Est-il sincère ? J'ai bien du mal à le croire. Pourtant, c'est vrai, il est serviable, bien disposé à mon égard. Sylvain, lui... Il écoute, la cigarette au bec, sans rien dire. C'est mon garde du corps, mon officier de sécurité, comme ils disent. Mais malgré moi, j'ai appris à me méfier de tout le monde. On arrive à Saint-Lingros, monsieur. Je peux vous poser une question, Jean-François ? Oui, monsieur. Vous savez qui c'est, Roger Saint-Lingros ? Pas la moindre idée, monsieur. Vraiment, ça vous dit rien ? Vraiment rien. Désolé, monsieur. C'était un ministre socialiste de Léon Blum. Il s'est suicidé parce qu'il supportait plus la campagne de diffamation lancée contre lui par la presse d'extrême droite. Ah bon ? Ouais. On l'accusait d'avoir déserté pendant la Grande Guerre. Et alors ? C'était vrai ? Non. C'est dégueulasse, monsieur. Ouais. Il a fini par se tuer. Comme quoi vous voyez la politique. C'est bien pour avoir une plaque ou un nom de rue. Et encore. Sans parler de ceux qui ont des casseroles et qui ne meurent jamais. Peut-être j'aurai ma plaque, moi aussi. Sûrement, monsieur. Vous croyez ? En tout cas, vous la méritez bien. Vous savez quoi ? Je m'en fous. Au parc Saint-Lingros, dans la caravane publicitaire des cyclistes, les pimpons habituels claironnent généreusement, couvrant les slogans et les appels au micro saturé qui se mêlent aux encouragements des commentateurs. C'est une fête populaire. Bon enfant. Attendez-moi là. Bien, monsieur. Pierre Bérégovoy traverse la foule en serrant les mains, comme à son habitude, suivi de Sylvain Léport, son garde du corps, qui ne le lâche pas. Porte-t-il sur lui son arme de service ? Ou bien l'a-t-il laissée dans la boîte à gants de la voiture, comme cela lui arrive parfois ? L'ancien Premier ministre, très entouré par les admirateurs, vient donner l'accolade au jeune cycliste vainqueur, tout ému sous les bravos des supporters. Bravo, jeune homme. Vous avez fait une très belle course. Merci. Bien. Faut pas tarder, monsieur. On nous attend. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils sont tellement sympathiques. Oui, mais... Oui, on repassera par la maison. J'ai des documents à prendre. Bien, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Pourquoi est-il si pressant ? Avons-nous donc un rendez-vous aussi urgent ? À part la coupe du championnat régional de canoë-kayak ? Il est environ 16 heures. Pierre Bérégovoy se sent épié, surveillé en permanence. Paranoïa, dépression. Depuis des semaines, sa famille s'inquiète. Sa femme, Gilberte, sa fille, Catherine. Pierre Bérégovoy est sous antidépresseur depuis des jours. Il fait l'objet de toutes les attentions, notamment des deux hommes qui ont en charge sa protection rapprochée. Passez-moi Vincent au sol, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Vincent, c'est moi. Tu as des nouvelles ? Non. Mais pourquoi il me rappelle pas ? Donne-lui un peu de temps. Il va venir vers toi, j'en suis sûr. T'inquiète pas. Il m'en veut comme si je l'avais trahi. Tu te trompes. Il m'abandonne, comment punir les traîtres ? Tu n'as trahi personne, Pierre, il le sait bien. Tu es toujours son ami, sa confiance est intacte. Il n'y a aucun doute à avoir. Ouais, le président me lâche, Vincent, comme tous les autres. Voilà la vérité. Il est fatigué, c'est tout. Il est fatigué. Je suis fatigué. On est tous fatigués. On n'a pas le droit d'être fatigué devant un simple coup de fil. Il t'appellera en temps voulu, j'en suis certain. Puis ça fait des semaines qu'il m'a plus parlé. Pourquoi ce silence ? Tu te fais des idées, je t'assure. Il me lâche, je te dis. C'est tout. Le garde du corps regarde sa montre. Les deux hommes attendent près de la voiture, postés devant un restaurant populaire du centre-ville. Le chauffeur Ragouneau vient rejoindre Pierre Bérégovoy, qui est encore au téléphone dans sa voiture. Il toque à la vitre. Il va falloir y aller, monsieur. Déposez-moi du côté du canal. J'ai besoin de calme. Très bien, monsieur. Dites à Sylvain de rester là. On repassera le prendre pour rentrer. D'accord ? Bien, monsieur. À cet instant précis, loin de la tourmente médiatique, Pierre Bérégovoy a-t-il vraiment décidé de passer à l'acte ? Quelques semaines plus tôt, il remettait pourtant deux lettres cachetées à Vincent Sol, un jeune avocat, son gendre. L'une des deux lettres lui était adressée personnellement, l'autre était destinée au président François Mitterrand. C'est impossible. Pourquoi ? Mais parce que c'est impossible, je ne peux pas remettre ça au président, voyons, c'est ridicule. Pourquoi non ? Si c'est la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées, Pierre ? Tu déconnes complètement ou quoi ? Non, c'est très sérieux. J'ai pris ma décision. N'importe quoi. Il faudra aussi que tu prennes soin de Gilberte. Tu me le promets, n'est-ce pas ? Mais Pierre, tu dérailles. Non, je sais parfaitement ce que je dis. Tu voudrais que j'explique au président que tu veux te flinguer parce que tu es en pleine déprime, c'est ça ? Non mais t'es sérieux, là ? C'est comme ça, c'est tout. C'est absurde. Je sais ce que je fais. Mais non, Pierre. Tu ne sais plus ce que tu dis, dis ce que tu fais. Tu es ailleurs, totalement ailleurs. Je suis lucide, c'est tout. Je vois clair. Mais enfin, mais tu le sais bien, la politique, c'est comme ça. Il y a des époques, des modes, des passages. La gauche, le socialisme, Jaurès, les grandes idées. C'est plus comme avant. Les temps changent, Pierre, il faut l'admettre. On va pas tous se flinguer pour ça, quand même. J'ai honte de cette saleté. Il faut passer à autre chose, Pierre. Honte de tout, de moi, des autres. Honte de ces lâchetés, de cette cour, de ces traîtres. Laisse donc le temps faire son travail. Le temps. Tu verras. Les plaies se cicatrisent bien plus vite que tu ne le crois. C'est au-dessus de mes forces. Tu le dois, Pierre. Pour nous. Tu me promets que tu veilleras sur la famille. Je te promets rien du tout. Ne compte pas sur moi pour ces conneries. Mais peut-être Pierre Bérégovoy avait-il quelque chose d'autre à cacher ? Un secret ? Dissimulé dans ce fameux petit carnet noir ? Tout a été dit et contredit à ce sujet. Les dernières images filmées de Pierre Bérégovoy au camping municipal de Nevers montrent bien qu'il ne se séparait jamais de ce carnet qu'il gardait toujours dans la poche intérieure de sa veste. Que détenait ce fameux petit carnet ? Pierre Bérégovoy avait-il un rendez-vous secret, comme le soutient Hubert Marty-Vraillans, ancien directeur des renseignements généraux de la Nièvre, pour échanger des documents compromettants ? Quels documents ? Avec qui ? Le combat contre la corruption qu'il avait engagé un an auparavant aurait-il été fatal à l'ancien Premier ministre ? La France souffre du règne de l'argent fou, comme si tout s'achetait pourvu qu'on y mette le prix. Chômage, insécurité, corruption, voilà les trois fléaux qui démoralisent la société française. Je vois pas ce qui gagne notre débat. J'entends vider l'abcès de la corruption. Toutes les procédures seront conduites à leur terme. S'il y a des dossiers qui traînent, croyez-moi, sur tous les bancs de cette Assemblée, ils ne traîneront plus. Je vous demande, les yeux dans les yeux de m'entendre. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. La lutte contre la corruption est un combat dangereux. D'autres s'y sont attelés avant lui et en ont payé le prix fort. Pierre Bérégovoy, cet ancien syndicaliste connu pour son intégrité, devenu Premier ministre hors du sérail et des réseaux, allait-il parler ? Fallait-il le faire taire ? Il fait doux. Tout est calme, silencieux. Jean-François a posé les coudes sur le volant. Il a rangé la voiture sous les arbres, fait une pause. Il semble éviter mon regard. Se joue-t-il de quelque chose ? J'essaie de ne penser à rien, de faire le vide. Je crois qu'il sent mon trouble. Il m'observe discrètement du coin de l'œil. Je respire par à-coups. Je sens mon angoisse monter. J'ai une brutale envie de mourir. Il faudra bien que je trouve le moyen de lui fausser compagnie. Il fait bon, non ? Oui, monsieur. Il a fait chaud. Vous voulez pas faire quelques pas ? Vous dégourdir les jambes ? Allez-y, je vous rejoindrai. Vous êtes sûr, ça vous dérange pas ? Pas du tout. Le chauffeur descend de la voiture et s'éloigne doucement sur le chemin de halage. J'ouvre la boîte à gants. Il y a une arme de service et un chargeur. Je prends l'arme dans la main. C'est un 357 Magnum. La pulsation s'accélère. Je sens mon cœur s'emballer. Aurais-je le courage de le faire ? On dit que dans la seconde qui précède la mort, on refait le film de sa vie. Vrai ou faux ? Des images se bousculent dans ma tête. Le visage enfantin de Roland Leroy, mon ami cheminot, résistant communiste de la première heure, apparaît comme dans un film de famille. On n'était encore que des gamins. Comment tu t'appelles ? Pierre. Tu viens d'où ? Desvilles-les-Rouen. T'as quel âge ? 17. Tu travailles ? Je suis fraiseur. C'est quoi ton nom ? Bérégovoy. Deruskov. Bérégovoy et Seruskov, pas vrai ? Mon père vient d'Ukraine. Ah, stalinien ? Pardon ? Staline, tu connais ? Oui, mais enfin, pas beaucoup. Tu sais tirer ? Non, mais je vise bien. Tu sais, les bleus ici, on en a pas besoin, c'est des hommes qu'il nous faut. Des gars qui ont des couilles, pas des gamins, tu comprends ? Mais je suis pas un gamin. Tu vois la bouteille là-bas ? Ouais. Vas-y, dégomme-la. Je regarde la bouteille, elle est au moins à 15 mètres. Faut voir. Vas-y. J'ai l'arme dans la main, c'est lourd, un peu poisseux, je tremble. Tout devient flou autour, sauf l'étiquette de la bière, Pélican Record, avec au centre trois bons hommes habillés en serveurs. J'isole le bonhomme du milieu, je bloque le coup barre, simple comme bonjour. La bouteille explose comme un melon trop mûr en une fraction de seconde. Alors ? Pas mal, petit. Tu me plais bien. C'était en juin 1942. C'est là où j'ai rencontré des hommes droits et intègres qui auraient donné leur vie pour leur pays. Le réseau Fer. C'est là aussi où j'ai fait connaissance avec les armes. Dans la voiture, d'un geste calme, Pierre Bérégovoy pose le 357 Magnum à sa place. Il referme doucement le couvercle de la boîte à gants. Ça va, monsieur ? Oui, très bien. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous aviez l'air pensif. Moi ? Oui. Vous aviez l'air perdu dans vos pensées. Je peux vous poser une question ? Oui, bien sûr, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de mes chaussettes ? Vos chaussettes ? Oui, parfaitement, mes chaussettes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Soyez sincère. Elles sont bien, rien à dire, monsieur. Vous n'y voyez aucun défaut ? Ma foi, non. Elles sont grises. La couleur ne vous plaît pas, c'est ça ? Non, non, monsieur. La couleur est grise, c'est tout. Grise, comment ? Grise, légèrement saumonée, si vous voulez. Saumonée ? Enfin, je ne sais pas, monsieur. Elles sont ce qu'elles sont, vos chaussettes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elles plissent un peu, c'est tout. Elles plissent? Oui, un peu. Elles plissent ou elles tire-bouchonnent? Je dirais qu'elles plissent, monsieur. Ils se foutent tous de ma gueule parce que je suis pas comme eux, voyez-vous. Avec mes chaussettes de prolo. Vos chaussettes? Oui. Tous. Sauf Gilberte, ma femme. Ça vous étonne? Mais non, je t'assure, celle-là ira parfaitement. Avec cette chemise, je vais pas avoir l'air d'un plouc. Bah, pourquoi tu aurais l'air d'un plouc? Je sais pas, c'est cette manière dont il me regarde. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Tu peux y aller sans crainte, je t'assure. Tu es parfait. Tu crois? Bah, j'en suis sûre. Bah, tu dis ça pour me faire plaisir. Bah, tu es premier ministre, oui ou non? C'est mon premier jour, alors. Tu as le trac? Oui. Tu as peur d'eux? Non. Alors? Je ne sais pas. C'est comme si j'étais pas à ma place, tu vois. C'est étrange d'être tué par un mort. Comment ai-je pu accepter de l'argent venant de lui? J'étais si naïf, si crédule. Mais il était l'ami du président. On pouvait lui faire confiance. Je me souviens encore de son grand sourire dans mon bureau, de son assurance déconcertante quand il m'a parlé de cet appartement. Bien sûr que j'en rêvais. Habiter dans le plus grand avec Gilberte, dans le 16e en plus. Mais je ne m'y sentais pas autorisé. Ça l'amusait. Il trouvait que je me compliquais la vie. Il disait qu'un million de francs, ce n'était rien pour un homme d'État. C'était un prêtre prolo pour lui. Cet homme, c'est Roger Patrice Pelat, décédé d'une crise cardiaque le 7 mars 1989. En mars 1993, 4 ans plus tard, les investigations du juge Jean-Pierre sur la succession de Roger Patrice Pelat, soupçonné de délit d'initié dans l'affaire Péchinet, ont conduit à la découverte du prêt d'1 million de francs accordé à Pierre Bérégovoy. L'existence de ce prêt pourrira la vie politique française pendant des mois, à commencer par celle du Premier ministre. Et ces saletés remontent à la surface, comme la mer rend les noyés, comme si on avait voulu ma peau. C'est pas correct. Mais qu'est-ce qui n'est pas correct? 1 million, c'est une somme. Mais ça ne se fait pas. S'il dit qu'on ira devant un notaire et on mettra tout noir sur blanc dans les règles. Un prêt sans intérêt. Et alors? On a le droit de céder entre amis, non? Pourquoi ferait-il ça? Pour nous. Seulement pour nous? On est des amis, non? Des amis en politique, ça existe? Après toutes ces années, on a bien le droit à un petit peu de bonheur tous les deux, tout de même. Piaf, La vie en rose. C'était leur chanson préférée depuis le jour de leur mariage. Le plus beau jour de ma vie. Vraiment? Ah oui. C'était le 13 novembre 1948. Le jour où le cheminot Pierre Bérégovoy a épousé l'institutrice Gilberte Bonnet. Ça fait 40 ans que ça dure. Qu'est-ce que vous en dites? Ça inspire le respect, monsieur. Je vous souhaite de réussir cela, mon cher Jean-François. Merci, monsieur. On n'avait rien, pas le moindre sou. Nos parents, voyez-vous, c'était des gens simples. On était des militants socialistes, pas des riches. On peut dire que vous avez bien réussi, monsieur. Vous trouvez? Tout de même, monsieur. Qu'est-ce que j'ai réussi, selon vous? Gravir les échelons. Ah, pour vous, c'est cela, réussir? Gravir les échelons? Qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre? Je ne sais pas. Le progrès social, le bonheur, changer la vie. Oui, mais ça, c'est vague. C'est des promesses. Toute ma vie, j'ai lutté pour que ça change, voyez-vous? Pour que des pauvres gens comme mes parents aient un peu plus, soient considérés, respectés, pas traités comme des minables. Ce que nous avons, les congés et le reste, nous l'avons arraché de hautes luttes, tous ensemble. Rien ne nous a été offert. Je sais bien, monsieur. Vous croyez que réussir, c'est avoir du fric et un chauffeur? Façon Bernard Tapie? Tout de même, c'est un fait que vous avez un chauffeur et pas moi. Vu comme ça... Je plaisante, monsieur. Je ne vous ai pas blessé, au moins. Excusez-moi. Parfois, je m'emballe. Je vous comprends, vous savez, monsieur. Tout cela est si injuste. Vous croyez en l'amour? Bien sûr, monsieur. Mais ça n'a rien à voir. Elle est devant moi. Elle me sourit. Elle me demande de ne pas le faire. Résister. Résister encore. Être plus fort. Elle appelle les enfants, mes amours, ma tribu, qui jouent dans le jardin. Ils viennent vers moi en courant. Ils se jettent dans mes bras en criant « Papa, tu viens jouer ?» Je n'ai pas le droit de les trahir, de les abandonner. Mais qui trahit qui? Comment laver la tâche qui m'obsède? Tu pensais avoir gagné leur considération. Tu croyais les servir. Mais tu ne fais pas partie de leur monde. Tu n'en es pas. Tu n'en seras jamais. Pas plus que moi. Souviens-toi. Ils n'aiment pas les nouveaux venus. Éloigne-toi, libère-toi. Leurs paroles sifflent comme des balles. Viens. Tu m'as promis un voyage en Chine par le train. On avait dit qu'on écouterait la musique de Dr Jivago en regardant le paysage. Tu te souviens? Jean-François? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à gants? Une arme de service, monsieur. C'est réglementaire. Vous ne la portez pas sur vous? Non, monsieur, pas pour conduire. D'ailleurs, c'est l'arme de Sylvain. Il nous attend au camping. C'est dangereux? Oui, monsieur. Elle est chargée? Non, monsieur. Alors ça sert à rien. Si on nous attaque, par exemple... Le chargeur est juste là, devant vous, monsieur. C'est bien. Vous pouvez me laisser 2 minutes, s'il vous plaît. J'ai encore quelques coups de fil à passer. Bien sûr, monsieur. Le chauffeur fait quelques pas le long du canal, puis disparaît. Ce samedi 1er mai 1993, à 17h48, Pierre Bérégovoy téléphone pour la dernière fois depuis sa voiture. Une première communication a duré 32 secondes, suivie d'une deuxième, à 17h53, d'une durée de 36 secondes. L'enquête prétend que la première communication était dirigée vers un interlocuteur de la mairie de Nevers. L'autre s'adressait à une femme. Qui? Tout cela est resté secret. De toute façon, je les ai bien prévenus. Je suis de ceux qui font ce qu'ils disent. Qu'ont-ils fait de mes lettres? Je n'en sais rien. Apparemment, ils s'en foutent. Qui avait-il dans ces lettres? Des lettres qu'aucun journaliste n'a pu se procurer. L'une d'elles, adressée au président François Mitterrand, aurait été détruite. La seconde, adressée à Vincent Sol, son gendre, aurait été conservée dans le plus grand secret des tiroirs de la République. Samedi 1er mai 1993, 18h. Le long du canal, certains témoins disent avoir entendu 2 coups de feu, d'autres un seul. Pierre Bérégovoy est décédé peu après 18h d'une balle dans la tête. Suicidé. Un geste d'honneur, dit-on. Parole officielle ou secret d'État? Dans les couloirs de la République, l'étrange suicide de Pierre Bérégovoy suscite encore bien des interrogations. L'arme qui l'a tué n'était pas du calibre d'un 357 Magnum. L'autopsie du corps n'a jamais été dévoilée. L'histoire de la Ve République retiendra que Pierre Bérégovoy, résistant de la première heure, ouvrier fraiseur devenu Premier ministre, ancien syndicaliste engagé contre la corruption, était dépressif. Dont acte. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer au chien l'honneur d'un homme, et finalement sa vie, au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République. Celle qui protège la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. Les chiens, fameux discours de François Mitterrand en hommage à Pierre Bérégovoy, restera dans la légende. Les chiens de François Luciani. Charlie Nelson, Pierre Bérégovoy. Antoine Bassler, le chauffeur Ragounot. Laurent Dolce, Vincent Sol. Éric Chalier, Roland Leroy, Catherine Hérold, Gilberte Bérégovoy, Swann Arlot, Pierre Bérégovoy a 17 ans. Bernard Gabet, le narrateur. Et avec Anne-Laure Tondu. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré et Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Cédric Ossir. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. Thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui les chiens, notre invité Gérard Carrérou, journaliste et ami de Pierre Bérégovoy. Bonjour Gérard Carrérou. Bonjour Fabrice. Vous êtes journaliste spécialiste des questions politiques, bien sûr. Vous êtes connu comme le loup blanc. Vous avez passé la plus grande partie de votre carrière à Europe 1 et à TF1. Vous avez été jusqu'en 2006 président des chaînes documentaires. Aujourd'hui, vous continuez de travailler pour Europe comme éditorialiste. Alors, étudiant, je le dis parce que c'est important, en parallèle du parcours de Pierre Bérégovoy, vous avez rejoint le PSU pour militer contre la guerre d'Algérie. Et c'est là que vous avez rencontré Pierre Bérégovoy, avec qui vous avez noué une profonde amitié qui durera jusqu'à sa mort. Donc, Puisque vous avez été l'un de ses amis, je voudrais d'abord, au risque de remettre des souvenirs douloureux, mais que vous nous rappeliez, vous, ce que vous faisiez ce 1er mai, et quelle a été votre réaction quand vous avez entendu cette nouvelle. J'imagine que la terre s'est dérobée sous vos pieds. Oui, j'étais, ce jour-là, je travaillais, c'était un week-end de travail pour moi, j'étais à TF1, et je suis parti un petit peu avant le journal de 20h, et j'étais dans ma voiture, et on m'a appelé, et une voix absolument affolée m'a dit « Gérard, reviens tout de suite, Pierre Bérégovoy a tenté de se suicider ». J'ai fait le tour, j'étais sur le pont qui est à côté de TF1, je suis revenu en arrière, je suis arrivé à la rédaction, qui était évidemment dans une ambiance invraisemblable, et on m'a dit « oui, il y a une dépêche, il a tenté de se suicider, est-ce qu'il est mort ? On ne sait pas s'il est mort ». J'ai été absolument terrifié, parce que j'avais eu Pierre Bérégovoy quelques jours, 4 jours exactement avant au téléphone, et on avait parlé assez longuement, je dirais au moins 20-25 minutes, on avait parlé de tout. On avait parlé du nouveau gouvernement, puisque la gauche avait perdu les élections, il avait perdu les élections, Balladur était en train de prendre ses marques, etc. Et on a parlé de tout ça comme d'habitude, parce que depuis pendant les 31 années où on a été amis, on parlait de tout. Et là, il m'était apparu tout à fait comme calme et normal. Ce qui fait que apprendre 4 jours après, tout d'un coup, qu'il a tenté de se suicider, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et puis, malheureusement, c'était vrai. 4 jours avant, vous me dites, comme calme et normal, ça nous renvoie au mystère du suicide, hein, à cette intimité qu'on peut pas percer, finalement, l'intimité du suicide. Puisque 4 jours avant, vous me dites, oui, il me parle normalement. Vous savez, le suicide, pour moi, effectivement, c'est une chose que je n'ai pas pu... effectivement, j'ai jamais pu pénétrer dans cet impénétrable. Parce que j'en ai connu 2 qui ont compté pour moi dans ma vie, celui de Pierre Bérégovoy et celui de ma sœur. Et ma sœur, c'était pareil, je l'avais eu au téléphone quelques jours avant, et elle m'avait parlé de ses projets, d'un appartement où qu'elle voulait acheter, et 4 jours après, elle se suicide, sans laisser de lettres. Et Bérégovoy, c'est pareil. Pierre Bérégovoy, je parle avec lui, 4 jours avant, j'étais absolument... Il m'avait dit qu'il partait pour le week-end à Nevers. J'étais à 100 lieues de penser qu'il allait se suicider. Et jamais vous n'avez été inquiet de son état, parce que quand même... Si, justement. J'ai été inquiet parce que dans les dernières semaines, il lui-même avait un peu perdu le moral. Et la dernière fois que je l'avais vu, alors, professionnellement, il était venu pour une interview aux 20h de TF1. Et avant l'interview, il m'avait dit, il s'était allongé dans le fauteuil que j'avais dans mon bureau avec une lassitude extrême en me disant, mais ils ne me ficheront jamais la paix. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à moi comme ça? Et fait, tu le sais bien que ce prêt, c'était légal, je l'avais fait devant notre terre. Pourquoi est-ce qu'on m'attaque comme ça? Il avait perdu le moral. Parce que ses attaques étaient quotidiennes, évidemment. Et il m'avait dit, j'espère que ce soir, ça va pas recommencer. Et puis, malheureusement, c'était d'ailleurs un des journalistes de très bonne qualité de l'époque de TF1, qu'on connaît ici parce qu'il a été chroniqueur, qui s'appelait Dominique Bromberger, oui, qui l'a interviewé. Dominique Bromberger, évidemment, a fait son boulot. Tout à fait. Et il lui a posé encore une fois, deux fois, trois fois des questions. Et ça, Bérégovoy, donc, je sentais bien qu'il n'allait pas très bien. Au fond, qu'est-ce qu'il y avait ? Bérégovoy, il était honnête. Pour moi, ça ne fera jamais le moindre doute. Il était honnête. Ce n'est pas... j'ai connu d'autres hommes politiques qui l'étaient moins ou qui l'étaient pas du tout. Il était honnête, cet honnête homme au sens honnête homme du 19e siècle, oui, à la fois honnête intellectuellement et honnête dans sa vie, c'est ça que oui, vous voulez dire? Alors honnête dans sa vie. Intellectuellement, voilà, c'est dans ses idées et puis dans sa vie. D'abord dans sa vie personnelle. Un homme, je me rappelle, c'était presque émouvant, le rapport de Pierre et de Gilberte, son épouse. Et ils se téléphonaient tous les jours, plusieurs fois, quand il était quelque part à l'étranger. Il n'a jamais raté un jour. Ses enfants, c'est pareil. Ses filles et son fils, il avait 2 filles et 1 fils, c'était l'homme de famille, l'homme le plus respectueux des autres, l'homme qui ne manquait jamais. Vous l'appeliez au téléphone, il vous rappelait, vous lui écriviez, il vous répondait, y compris lorsqu'il était dans les plus hautes fonctions, à Matignon ou ministre des Finances. Il a avait toujours du respect pour les autres. Quand il faisait un déjeuner ou un dîner, il invitait les gens qui avaient été tout au long de sa vie. Et il mélangeait des gens qui étaient des gens connus de la politique avec le brocanteur qui avait la petite brocante dans sa maison de campagne en Normandie, et ainsi de suite. C'était un homme honnête, et comme vous dites, un humaniste aussi en même temps, bien qu'il n'ait pas eu une culture d'humaniste. Est-ce qu'il a le plus souffert? Enfin, on va pas mettre de hiérarchie dans la souffrance, hein, mais il y a cette affaire, Patrice Pelat, qui a atteint son honneur jusqu'au désespoir ultime. Mmh. Est-ce qu'il n'y en a pas non plus cette espèce de forme à la fois de lâchage après les élections législatives de 93 et une culpabilité qui consiste à dire j'ai fait perdre la gauche, parce que quand on est Premier ministre, on est chef de la majorité également. Absolument, bien sûr, on lui a fait sentir. Mmh. Quand il revient à l'Assemblée et qu'il se promène dans l'Assemblée, tous les députés socialistes, enfin les survivants, je crois qu'il y en avait 54, et tout le monde lui faisait sentir que c'était de sa faute, alors que bien évidemment... les élections, c'est toujours comme ça, c'est global, c'est un bilan qu'on juge, hein. C'est un bilan de plusieurs années. Là, c'était fait quelque part le bilan aussi de François Mitterrand, mais c'était Bérégovoy qui était le bouc émissaire. Au Congrès socialiste, il y a eu, je sais plus quel Conseil national, personne vient lui serrer la main. Il a vécu ça, mais je pense qu'il a vécu ça surtout comme une injustice. Il était un homme juste, et c'était pour lui une profonde injustice, parce que au fond, son rêve, c'était qu'on dise de lui, ça a été un militant toute sa vie, au service de la gauche, ça a été un type bien. Ça, c'était son rêve. Et à partir du prêt, du fameux prêt de 150 000 euros, ce qui apparaît évidemment comme relatif, c'est beaucoup, mais c'est, en même temps, c'est en plus pas tellement exceptionnel. À partir de là, et à partir des accusations, et à partir des manifestations, et à partir des commentaires, il s'est dit, toute ma vie, jusqu'à ma mort, jusqu'au dernier jour, on ne dira pas que j'étais un type bien, mais on dira que j'étais peut-être un peu corrompu, un peu ceci, un peu... Et ça, il ne l'a pas supporté. Il l'a pas supporté parce qu'il était honnête. Un type qui est malhonnête, qui a fait plein de malversations tout au long de sa vie politique, il s'en fout qu'on dise ça. Hein, il se suicidera jamais, je veux pas citer de nom, mais enfin, il y en a beaucoup, jamais vous les verrez se suicider, et tant mieux pour eux d'ailleurs. Mais Pierre, lui, ne supportait pas cette idée qu'on dise, il a été malhonnête, donc finalement, il était coupable. Gérard Carrérou, on va se retrouver dans quelques instants pour continuer de parler de Pierre Bérégovoy, alors on va partir dans la jeunesse de Pierre Bérégovoy, et puis son parcours. terre et l'eau, l'air et le feu forment un complot. Ça saute Dieu, sadomaso, fait pour la pelle. Les gens là-haut, tu t'en rappelles, et les enfants en tourbillon dans un palais de papillons. La vraie vie, la belle. Allez, viens, qu'on s'y frotte. Ma colombe, ma cocotte. Les vallées ont des charmes. Allons. Je suis bon, non, non, non, non, non, non de Dieu. Gérard Kerrérou, il y a une dimension importante aussi qui pourrait expliquer ou en partie le geste de Pierre Bérégovoy, en tout cas la fin du parcours, la fin de sa vie, ce sont les relations avec François Mitterrand. C'est un privilège, j'imagine, d'avoir travaillé avec François Mitterrand, mais ça pouvait être aussi peut-être un peu dangereux, vu l'envergure du personnage. Et on a dit que à partir de 1993, après les élections législatives, finalement, François Mitterrand aurait comme laissé tomber Pierre Bérégovoy. Il n'avait plus de contact entre eux. Ça a joué, ça? Le rapport Mitterrand-Bérégovoy, c'est quelque chose de... C'est presque un rapport amoureux. Quand, au congrès d'Épinay, il était dans la minorité. Mitterrand a gagné et est devenu premier secrétaire du Parti Socialiste. Bérégovoy n'aimait pas Mitterrand. Au départ, il ne connaissait pas. C'était parce qu'il appartenait à l'autre gauche. Et puis, le congrès passé, Mitterrand lui fait signe pour venir, etc. Il fait connaissance de Mitterrand. Et là, il y a une sorte de rapport. Il est tellement admiratif de Mitterrand que je parle, j'exagère un peu, mais d'un rapport quasi amoureux. C'est-à-dire que Mitterrand devient, c'était pour lui, il disait le président ou il disait le patron. Le patron m'a dit que, le patron. Et il ne supportait même pas. Et moi, de temps en temps, en rigolant, je disais, Pierre, enfin, c'est pas le bon Dieu, Mitterrand, c'est pas le Messie. Non, tu peux pas dire ça. Bon. Il se fâchait quand on mettait en cause Mitterrand. Donc il adorait Mitterrand. Et Mitterrand s'en est servi. Vous connaissez Mitterrand. Mitterrand savait se servir des hommes dont il avait besoin. Et Bérégovoy était un homme formidable pour Mitterrand. Un travailleur infatigable qui a travaillé sur le programme commun, vous lui demandiez un rapport. Le soir même, il travaillait jusqu'à 3h du matin, il vous le donnait le lendemain matin. Pour Mitterrand, c'était formidable. Là-dessus, toute leur collaboration, il en fait un ministre. Il en fait d'abord le secrétaire général de l'Élysée, puis ensuite un ministre, puis ensuite le premier ministre. Il s'en est servi, mais il s'en est servi normalement. Et puis un beau jour, Mitterrand perd les élections. Enfin, Mitterrand, la gauche perd les élections. C'est Bérégovoy qui est accusé, puisqu'il était le chef de la majorité, de les avoir perdus. Mitterrand, il a autre chose à faire. Il se consacre à autre chose, à partir de là, à la cohabitation avec le nouveau pouvoir. Mmh. Et il laisse tomber Bérégovoy. C'est vrai. Et ça, 4 jours avant, il me le dit. Ah, il faut le dire encore, 4 jours avant, oui, c'est important. Ça, je me souviens comme si c'était hier matin ou hier soir. Je lui dis donc, Pierre, est-ce que t'as vu Mitterrand? Il me dit, non, je l'ai pas vu. Ah, je dis, bon, mais tu l'as eu au téléphone. Et là, il me dit cette phrase qui m'a marqué, je vous dis, comme au fer dans ma tête. Il me dit, j'ai plusieurs fois essayé de l'avoir au téléphone, il ne m'a jamais retourné mes coups de téléphone. C'est une expression que moi, je ne connaissais pas. Enfin, je n'utilisais pas. Je disais, il ne m'a pas rappelé. Lui, il disait, il ne m'a pas retourné mes coups de téléphone. Et je dis, ah bon? Bon, je me dis quand même, c'est bizarre, l'ancien Premier ministre qui essaye de joindre son ancien patron, comme il l'appelait, parce que Mitterrand était passé à autre chose. Gérard Kerrérou, on va revenir sur la jeunesse de Pierre Bérégovoy, puisque vous l'avez partagé. Alors c'est un homme courageux et avec un certain courage physique d'ailleurs, puisqu'il est entré à 17 ans dans le réseau Fer de la Résistance, donc avec à la fois en Normandie, oui, une conviction politique très forte, et puis ça s'appelle aussi un courage physique. Il était de ce bois dont on fait les gens courageux. Oui, c'était un homme courageux, c'est vrai. La Résistance, il y en a beaucoup qui ont prétendu qu'ils en avaient fait, et finalement, quand on a regardé leurs états de service, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Mitterrand, Bérégovoy, c'était un vrai résistant. Il était tout jeune homme en Normandie, mais c'était peut-être son ascendance, son père qui était vous savez qu'il était d'ascendance russe, et son père ukrainienne, mais à l'époque l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Son père était un officier dans l'armée du tsar, donc j'imagine que son père, et d'ailleurs il a toujours eu, bien qu'étant un homme de gauche profonde, il a toujours eu du respect pour son père, cet officier qu'il avait peu connu, puisqu'il, je crois qu'il était mort assez jeune dans sa vie, mais ça m'étonne pas qu'il ait eu du quoi. Il a toujours eu du quoi. Courage, oui. Il a eu du courage physique et il a eu du courage politique. C'était un homme ambitieux également, parce que ça, on l'oublie parfois. On va pas être non plus dans la géographie, même si vous étiez son ami, on va essayer d'être honnête aussi. Un homme très ambitieux, il a plus ou moins quand même un peu savonné la planche d'Edith Cresson, il le voulait ce poste de Premier ministre, hein. C'était pas un ange non plus. Ah non, mais c'est bien sûr que non. Alors il y a deux choses. Il y a eu l'ambition, c'est vrai. Vous savez, pour être Premier ministre, vu la proximité de ce qu'il avait fait pour Mitterrand, il estimait qu'il s'était élevé au rang de ceux qui devaient être un jour ou l'autre Premier ministre. Quand le premier ministre Mauroy a été nommé, ça lui paraissait normal. Quand il y a eu ensuite Rocard, il m'a dit oui. En plus, Rocard, c'était son ancien copain du PSU. Mmh. Il m'a dit oui, c'est Rocard, parce que Rocard l'a aidé pour la réélection. Mais quand il a vu arriver Edith Cresson, il a trouvé que c'était pas juste. Lui, qui était un homme qui voulait la justice, il a trouvé que c'était pas juste, que c'était quelque part immérité. Et c'est vrai qu'il lui a savonné la planche, il a fait des tas de petites choses qui étaient... C'est vrai, bon, il avait... Et il était même, je vais dire carrément, par certains côtés, il était vaniteux. On lui a beaucoup reproché. Les journalistes disent « Oui, Bérégovoy, il se sent plus, hein, il est un peu vaniteux. » Mais vous savez, cette vanité, c'était... C'était la fierté d'être un homme du peuple. Il y en a peu, hein. Mmh. Il y en avait peu à son époque et il y en a encore peu aujourd'hui. Un homme du peuple qui s'élève dans la politique, qui est pas énarque, qui a commencé comme métallo, puis ensuite qui a été employé au Gaz de France et qui un beau jour devient ministre. Et puis un beau jour devient Premier ministre. Il me disait souvent, parce que ma femme est américaine, il me disait, Gérard, en Amérique, le pays de ta femme, quand un type réussit qui vient du bas de l'échelle, tout le monde l'admire, on dit c'est un self-made man, c'est formidable. Ici en France, moi, on me considère, on dit c'est le petit chose, parce que je viens pas, on dirait aujourd'hui du microcosme, ou dirait de ceux d'en haut. Alors du coup, il était quand même vaniteux. Dernière question, Gérard Carrérou, nous sommes dans une année présidentielle. François Fillon est un homme à propos du les révélations sont arrivées semaine après semaine. Alors on imagine la souffrance intime peut-être aussi de cet homme, après tout. Hein. Ça n'est pas un propos politique, ça c'est un propos humain. Et on va pas faire de parallèle avec Pierre Bérégovoy, parce que ce serait aventureux comme comparaison. Mais tout de même, qu'est-ce que ça nous dit, cette violence en politique, sur un homme, des révélations, les unes après les autres, comme des coups de boutoir? Mais figurez-vous, Fabrice, que j'y ai pensé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Et que moi-même, je me suis parfois un petit peu réfréné en me disant « attention ». Je crois que, vous parlez de François Fillon, je le connais peu. Ce n'est pas le cas de Bérégovoy, que je connaissais bien. Fillon, je le connais peu. Mais je ne crois pas que ça soit un homme trop sensible. Mais j'ai pensé à Pénélope Fillon. Je me suis dit, quelqu'un qui se trouve du jour au lendemain embarqué dans un tel tumulte, coupable ou pas coupable, peut-être peu au courant ou pas au courant, je me suis dit attention, parce que en plus elle est étrangère, je me suis dit attention, quelqu'un comme ça peut faire une formidable dépression et on sait pas, donc il faut faire attention. Merci infiniment Gérard Carrérou, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Les Chiens, une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Cédric Ossire et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Florent Beauvallet.